Ah oui, moi, c'est celui-ci, oui. C'est celui-là, oui, d'accord. Oui. Donc, ça coïncide. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Laurent Salard, merci Romain Nigita, je rappelle. Hein, votre ouvrage, Séries Anatomie, le 8e art décrypté avec le brillant Alain Carazé aux éditions Fantasque. Et puis, je vous invite évidemment à aller regarder Black Mirror sur Netflix et à venir demain, parce que vous aurez autre chose à faire que passer la journée enfermée à regarder des séries, au Forum Animal à la Sorbonne, toute la journée de 10h à 18h. Toutes les émissions que vous aimez, que vous adorez, Adèle Von Rett, Les Chemins de la Philosophie, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin, Entendez-vous l'écho, Maïs Belfry et nous-mêmes, toute la journée dans le Grand Amphi de la Sorbonne pour parler des questions liées au rapport homme-animal. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Jean-Guilain Meige. Tout à l'heure, dans un instant, le magazine de la rédaction Référendum en Nouvelle-Calédonie, La douloureuse émancipation par Stéphane Robert. Tout à l'heure, c'est la dismoudre puisqu'on est vendredi, la dispute plus le grain à moudre en direct du Bel Air à la Maison de la Radio. Le Club du Grain sera consacré à l'illibéralisme, voilà l'ennemi. Et pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons d'endométriose, mardi, les origines du système solaire, mercredi, les implos cérébraux, vous voyez, on est dans Black Mirror à nouveau, jeudi, Carl Sagan, et vendredi, nous diffuserons donc la table ronde consacrée à l'émotion animale, enregistrée demain à 15h30 dans le Grand Amphi de la Sorbonne. À demain, 15h30 à la Sorbonne, ou à lundi 16h, jusqu'à preuve du contraire.